Vous suivez la radio Isanganiro, bienvenue auditeurs et auditrices à ce journal en langue française. À la présentation, Jean-Marie Mayonga, cabine technique Alphonse Koubguimana. Tout d'abord, les titres. Les parlementaires demandent à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme d'aider pour qu'il y ait plus d'ingérence des autorités administratives dans les dossiers de la justice. Et cette commission compte organiser des formations à l'endroit de ces autorités. Signature ce mardi du mémorandum d'entente pour le programme de soutien à 40 000 jeunes et femmes sur le financement du Fonds onusien pour le développement PNID. Dans la province de Gitega, on va vous parler des commerçants des terrains du cycle rayé de la liste par le chef du quartier Nyabiarage, alors qu'un autre est emprisonné. Tous sont accusés de stocker le cycle ou d'enlever quelques grammes sur un kilo du cycle vendu. Les détails dans cette édition avec Gérald Nibigira. Voilà pour les titres, encore une fois, bienvenue. La radio de l'avenir. Signature ce mardi du mémorandum d'entente pour le programme de soutien à 40 000 jeunes et femmes sur le financement du Fonds onusien pour le développement PNID. Cette signature a été opérée entre le PNID et le projet d'autonomisation des jeunes PAEJ ainsi que les banques des jeunes et des femmes. Pour certains de ces jeunes entrepreneurs, l'innovation est au cœur du développement. Le point avec Mireille Kanyang. Lipa, c'est une application web, plateforme web, qui permet aux marchands burundais de pouvoir capturer les paiements de leurs clients ou qui se trouvent au monde entier. Ruth Nibitanga, 27 ans, est entrepreneur, innovatrice. Elle est responsable du projet Lipa. Elle affirme que son projet contribue au développement du pays. Nous sommes dans la stratégie Cash Zero. Le gouvernement du Burundi promeut le Cash Zero grâce à des passerelles de paiement comme Lipa, c'est faisable. Parce que prenons un marchand, il veut vendre ses services en ligne. Il ne va pas aller chercher tous les opérateurs mobile money ou bien tous les opérateurs bancaires pour qu'ils leur donnent des API pour intégrer sur son site web. Et moi, le client, je pourrais acheter et avec mon mobile money et avec ma carte bancaire. Et j'aurais plus besoin de toujours me balader avec du cash ou bien je n'exigerai plus aux touristes venant au Burundi les procédures de reconversion de son argent pour avoir des francs en bout. C'est aussi très important pour les marchands parce que maintenant, avec l'IPA, c'est en ligne, leur service est en ligne. Ils ne vont plus vendre seulement qu'au Burundi, mais aussi pour les gens à l'extérieur du pays. Et du coup, ça augmente sa part de marché et ça promeut aussi les exportations. De son côté, Boris Ndouayo, 32 ans, est vice-président du projet Cojabud. Il a investi dans la transformation agroalimentaire sur la bouillie aux champignons. Notre projet et de transformer la bouillie à base de céréales. L'innovation que j'aimais vous parler, c'est si tous les enfants de moins de 5 ans ont besoin donc des protéines pour leur croissance. J'essaie d'améliorer la qualité nutritionnelle, la qualité organoleptique ainsi que la qualité microbiologique, tout en faisant des analyses. Un projet qui peine à avoir un marché d'écoulement, dit-il. Ces jeunes entrepreneurs se sont déjà lancés sur un terrain que le PNUD veut renforcer par cette signature ce mardi d'un mémorandum d'entente dans l'esprit entrepreneurial pour 40 000 jeunes et femmes sur la période 2024-2027. Lors de ce lancement, l'administrateur directeur général de la Banque pour jeunes BIJE a indiqué que jusqu'ici, cette banque a déjà appuyé 17 000 jeunes. Une banque qui a été mise en place il y a déjà 3 ans et qui a déjà effectué des financements auprès de près de 17 000 jeunes. Deuxièmement, le PAEJ, il a déjà touché près de 40 000 jeunes au Burundi. C'est un programme qui a aussi financé plus de 40 milliards au profit des jeunes. Lors de cette signature, Marie-Chantal Nijimbere, ministre du Commerce, a apprécié la coopération entre le Burundi et le PNUD. Et ce programme permettra de développer les chaînes de valeur avec les femmes et les jeunes. C'est dans ce cadre que je prends cette parole pour procéder, bien sûr, au lancement de l'initiative Youth Moonshot pour le Burundi, qui permettra non seulement d'atteindre 40 000 jeunes et femmes, mais aussi de développer les chaînes de valeur porteurs de croissance économique afin de positionner le Burundi dans la zone de libre-échange continentale africaine. Sur la cible des 40 000, le programme pour l'autonomisation et l'emploi des jeunes PAEJ travaillera avec 2 000 jeunes. L'enveloppe sera déterminée, a-t-on appris, après l'étude de faisabilité de ce projet. Mireille Kanyang. Les parlementaires demandent à la Commission nationale indépendante TDD pour qu'il n'y ait plus d'ingérence des autorités administratives dans les dossiers de la justice. Propos tenus lors de la présentation du bilan des activités réalisées par cette commission au cours de l'année 2023, présenté par son président Sixte Vigné Nemoura, a indiqué que la commission compte organiser des formations à l'endroit des autorités pour qu'il n'y ait plus ce problème. Sheila Irambon. Ce rapport présenté par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, ce lundi, révèle qu'il s'est observé des manquements dans le secteur de la justice au cours de l'année 2023, à savoir des erreurs récurrentes. Et selon ce rapport, la plupart de ces erreurs sont dues à l'ingérence des autorités administratives dans des dossiers judiciaires. À ce propos, les parlementaires ont demandé si cette commission a la faculté d'intervenir pour trouver une solution face à ce problème. Pour ces irrégularités récurrentes, est-ce que vous donnez des rapports sur ces gens? Parce qu'ils ont aussi violé les droits de l'homme. Qu'est-ce que vous faites en tant que défenseur des droits de l'homme? Je pense que vous devriez continuer à sensibiliser les responsables à tous les niveaux, parce que des fois, ils s'ingèrent dans les dossiers de la justice. Et au président de cette commission de répondre qu'ils vont organiser des formations à l'endroit des administratifs. Nous allons continuer à organiser des formations à l'endroit des responsables dans tous les secteurs sur le respect des droits de l'homme. Même si on parle de ces manquements au niveau de la justice, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme salue le fait que le Burundi a toujours le statut A. Devant les parlementaires, le président de cette commission a indiqué qu'il va tout faire pour que le Burundi garde toujours ce statut. Sheila Irambona, page transport. De nouveaux prix du ticket de transport ont été fixés par le ministère du Commerce. Un tarif en vigueur dès ce mardi 20 février. Ces prix ont été diminués de 50 francs bourdes, ainsi que si au centre-ville, le bus est payé à 600 francs bourdes. La modification de ce prix concerne également les quartiers périphériques et l'intérieur du pays. Pour ce dernier cas, en titre exemplatif, Bujumbura Rutana Makamba, le ticket fixé à 16 750 francs burundais. Bujumbura Muyinga, il est de 16 300, alors que le ticket de transport Bujumbura Changuzo est de 17 650. Selon le communiqué du ministère du Commerce, ce lundi, les conducteurs des véhicules marqués Probox ont droit d'ajouter seulement 800 francs par passager sur les prix fixés. Et l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, ORICOM, estime que cette baisse n'est pas suffisante pour assurer le bien-être de la population. Jean Douimana, porte-parole de cette organisation, encourage le gouvernement à abandonner certaines taxes pour que le transport soit garanti. Il explique que le transport présente une incidence sur toutes les activités commerciales suivies. Nous avons apprécié cette action louable du gouvernement du Burundi de penser à diminuer le prix du transport pour soulager la vie de la population. Mais ce n'est pas suffisant. En fait, toutes les activités qui se font au niveau du territoire national trouvent sa base au niveau du transport qui s'organise conformément à la vie tout entière. C'est pour cette raison que l'ORICOM a apprécié cette volonté de l'État. Je dirais une volonté parce que la diminution n'a pas été très sensible, voire l'état de la vie actuelle de la population. C'est pour cette raison que nous demandons au gouvernement de revoir encore le prix de transport parce que ce n'est pas du tout suffisant le ticket parce qu'on a diminué un tout petit peu. On a diminué entre 100 francs et 50 francs. Vous n'avez pas Isangani Lo ? Vous ratez l'essentiel. Radio Isangani Lo journal continue. Page commerce, ces trois commerçants détaillants du cycle ont été rayés de la liste par le chef du quartier Nyabiarage, alors qu'un autre est emprisonné dans la province ville de Gitega. Tous sont accusés de stocker le cycle ou d'enlever quelques grammes à 1 kilo de cycle vendu. Ces commerçants rejettent ces accusations et réclament le droit de revendre leur cycle. Le point avec Gérard Nibigir. Le chef du quartier Nyabiharage, Madame Jacqueline Ndaishimiye, indique qu'elle assure une bonne distribution du sucre aux commerçants détaillants de ce produit dans son quartier. Elle précise que son quartier reçoit entre 20 et 30 sacs de sucre à chaque distribution. À elle d'ajouter qu'un commerçant obtient le nombre de sacs de sucre de son choix, comme 2, 3, 4 sacs ou plus, mais que quand un certain nombre de sacs de sucre manque de preneurs, elle propose aux commerçants de partager ces sacs sans preneur pour qu'il ne reste pas au stock. Elle fait savoir néanmoins qu'un contrôle doit être effectué chez tous les commerçants de Taya ayant bénéficié du sucre pour se rendre compte qu'ils l'ont bien vendu ou pas. Et un commerçant qui sera coupable d'avoir conservé le sucre au lieu de l'écouler ou d'avoir enlevé une certaine quantité à 1 kg de sucre, la sanction qui lui est infligée est de le rayer de la liste des commerçants de Taya de ce produit. Ainsi, 4 commerçants sont déjà sanctionnés de cette manière au quartier Nyabiharage. Toutefois, ce commerçants sanctionnés rejettent les accusations portées contre eux, comme quoi ils ont caché et gardé le sucre au lieu de le vendre ou qu'ils ont enlevé certaines quantités à 1 kg de sucre. Ils demandent plutôt qu'ils soient remis sur la liste des commerçants de taille du sucre. Cela étant, les habitants de Nyabiharage disent que s'il advient que ces commerçants recouvrent le droit de vendre le sucre, ils s'approvisionneraient encore chez eux, mais à condition qu'ils respectent les normes. Vous saurez qu'un certain Gachira Hamgesilas, qui est un des 4 commerçants du sucre de Nyabiharage qui ont été rayés de la liste des commerçants de ce produit est emprisonné pour accusation d'avoir donné aux médias non reconnus par la loi burundaise les informations accusant le chef de ce quartier de distribuer le sucre aux commerçants de Taya par clientélisme et pot de vin. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isangani. Merci à Jérémy Bigira. Quittons la province de Gitega pour nous rendre dans la province de Bubanza, précisément dans la commune de Gihanga, où les petits commerçants de cette commune sont en désaccord avec l'administration qui les interdit à faire le commerce ambulant. Ils attendent dans les rues des vendeurs et achètent des grains de maïs, du riz, du soja et autres qui allaient être vendus au marché. Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, explique que le commerce ambulant est interdit. Il appelle ces petits commerçants à rester dans les marchés. Le point avec spécialiste Caritas Cabañan. Twe turafise abantu baguma baza batubwira ngo ni duhagarike kurangura kandi natwe akazi dukora niko kadutungiye umuryango. Ce sont les lamentations d'une femme commerçante rencontrée sur la 5e transversale de Gihanga en train d'acheter des grains de maïs, qui déplore le fait qu'il y a des gens qui interdisent ce commerce et chassent tous les commerçants sur les routes. Ces commerçants disent ne pas comprendre ce phénomène alors qu'ils ont emprunté de petits montants pour pouvoir entretenir leur famille. De son côté, l'administrateur de la commune Gihanga explique que ces petits commerçants doivent rester dans les marchés et les boutiques reconnues parce que ce genre de commerce encourage le vol et le gaspillage dans les ménages. Nous avons organisé pas mal de descentes au niveau des collines et la population a soulevé cette inquiétude parce qu'il y a des gens qui font le commerce ambulant, surtout en achetant du maïs partout au niveau des riz. Et cela occasionne ou bien facilite le banditisme, surtout des enfants qui vont dans des champs de maïs et vont récolter ce qu'ils n'ont pas semé et par après viennent vendre ce maïs à ces gens-là qui organisent le commerce dans des endroits non appropriés. Donc nous avons pris des mesures pour décourager cela parce que le cas de banditisme se manifestait partout au niveau de ces collines. Donc le lieu commercial c'est le marché et aussi des boutiques qui sont vraiment reconnues. Donc je dirais qu'il est défendu de faire le commerce en Bira, surtout au niveau de CRQ, dans des endroits non reconnus. Donc, celui qui veut vendre ou bien acheter ces denrées alimentaires doit se diriger au niveau des marchés qui sont reconnus au niveau de différentes collines. Et ces petits commerçants disent qu'ils n'ont pas de place dans les marchés et qu'il faut ce genre de commerce seulement au moment des récoltes. Spescaritas Kabanyana, Rwanza, Radio Isanganiro. Merci. Merci à Spescaritas Kabanyana. Et dans la province de Kayanza, les agriculteurs de la commune de Muruta, en province Kayanza, qui ont vendu le grain de maïs ce lundi au hangar de la zone de Muruta, grogne que leur production n'a pas été accueillie en suffisance. Le collecteur parle de l'humidimètre qui serait en mauvais état, car c'était celui-là qui a été utilisé l'année passée. Léonard Sagouye tranquillise pourtant qu'il a déjà commandé un autre instrument au sein de la NAGESA et que les activités vont redémarrer ce mardi. Patrick Sengiumve. Les agriculteurs de la commune de Muruta ne convergent pas avec les collecteurs que les grains de maïs ne sont pas bien secs. Ils demandent aux collecteurs de bien vérifier l'état de l'humidimètre. Ils disent que du fait qu'ils n'ont pas vendu leur production, qu'ils ont même manqué de l'argent pour payer les transporteurs qui ont transporté ces grains de maïs jusqu'au hangar de stockage. Ils grognent aussi que consécutivement à la situation, ils ont du mal à trouver de l'argent pour payer la sortie des fertilisants et acheter des semences de haricots pour le semis de cette saison culturelle B. Interrogé à ce sujet, Nani Sagouye, le correcteur de la production du maïs à Muruta, celui-ci affirme que l'appareil du humidimètre qui mesure que 5 grains de maïs sont bien secs serait en panne, mais tranquillise qu'il a déjà commandé un autre à l'Agence nationale de stock et de sécurité alimentaire. Odassi Hachimana, administrateur communal de Muruta, appelle la NAGESA à la disponibilité du matériel nécessaire et celui de l'argent aussi pour permettre aux agriculteurs le bon déroulement des activités agricoles de la saison culturelle en cours. Signalons que dans la province Kayanza, avec la saison culturelle cette année 2023, on a récolté une production du maïs de 16 000 tonnes, 919,6 kg. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé. La conjonctivité virale correspond à une inflammation ou une irritation de la partie blanche de l'œil. Selon l'ophtalmologue et Dr. Lévi Kandeke, cette maladie est provoquée par un adénovirus. C'est un type de virus très contagieux et l'attaque très souvent les enfants, même si les adultes ne sont pas épargnés. Le diagnostic est clinique. La clinique santé avec Ornella Mucho. La conjonctivité virale correspond à l'inflammation de la membrane transparente qui recouvre la partie blanche de l'œil et des paupières. L'ophtalmologue Lévi Kandeke explique que la période d'incubation est de 5 à 12 jours et après, les symptômes comme les yeux rouges et larmoyants ainsi que la sensation d'avoir du sable dans l'œil apparaissent et en moyenne, une conjonctivité dure une à deux semaines. Il y a des symptômes qui sont caractéristiques et qui font que la maladie est facilement reconnaissable. Les patients ont souvent les yeux rouges, tous les deux yeux. Il y a des sécrétions oculaires. Le patient se plaint d'avoir une sensation de sable, de corps étranger dans l'œil. Parfois même, il y a des gonflements des paupières. On peut avoir une sensibilité accrue à la lumière et démangeaisons. Alors, il faut comprendre que ces symptômes varient d'une personne à l'autre, certaines personnes étant plus sensibles que d'autres. Ce spécialiste ajoute que cette maladie touche toutes les tranches d'âge. Cependant, les enfants sont les plus touchés et la contagion passe par les larmes et la salive, mais aussi par le simple contact et qu'elle peut être contagieuse jusqu'à deux semaines. Alors, il faut comprendre que cette maladie peut toucher toutes les personnes de tout âge et de tout milieu. Chez les jeunes enfants et les jeunes adultes, c'est souvent à l'école qu'on voit la maladie. Et chez aussi également, on voit beaucoup la maladie chez les professionnels de la santé suite au contact avec les patients ou alors les individus qui travaillent dans les communautés fermées. Elle se propage rapidement. La transmission se fait par contact direct avec une personne infectée ou par les objets contaminés comme des serviettes et des instruments que vous utilisez tous les jours. Cette maladie survient généralement lorsqu'il y a présence d'allergènes dans l'air. Nous savons que c'est souvent durant les saisons de transition, c'est-à-dire quand vous passez d'une saison des pluies ou alors dans des périodes de regroupement communautaire au début, de lancement des écoles, des classes, ou parfois dans la saison où vous avez des maladies respiratoires dans la population. Ce qu'il y a à savoir qui est encore plus intéressant,